Gaspard, brusquement, retira ses souliers et sa veste. Depuis un instant, je le voyais joindre les mains, s'écraser les doigts. Et comme je l'interrogeais, « Écoutez, grand-père, dit-il, je meurs à attendre. Je ne peux plus rester. Laissez-moi faire. Je la sauverai. » Il parlait de Véronique. Je voulus combattre son idée. Jamais il n'aurait la force de porter la jeune fille jusqu'à l'église. Mais lui s'entêtait. « Si, si, j'ai de bons bras. Je me sens fort. Vous allez voir. » Il ajoutait qu'il préférait tenter ce sauvetage tout de suite, qu'il devenait faible comme un enfant, à écouter la maison s'émietter sous nos pieds. « Je l'aime. Je la sauverai. » répétait-il. Je demeurai silencieux. J'attirai Marie contre ma poitrine. Alors il crut que je lui reprochais son égoïsme d'amoureux. Il balbutia. « Je reviendrai prendre Marie, je vous le jure. Je trouverai bien un bateau. J'organiserai un secours quelconque. Ayez confiance, grand-père. » Il ne conserva que son pantalon. Et à demi-voix, rapidement, il adressait des recommandations à Véronique. Elle ne se débattrait pas. Elle s'abandonnerait sans un mouvement. Elle n'aurait pas peur, surtout. La jeune fille, à chaque phrase, répondait « oui » d'un air égaré. Enfin, après avoir fait un signe de croix, bien qu'il ne fût guère dévot d'habitude, il se laissa glisser sur le toit, en tenant Véronique par une corde qu'il avait nouée sous les bras. Elle poussa un grand cri, battit l'eau de ses membres, puis suffoquée s'évanouit. « J'aime mieux ça !» me cria Gaspard. « Maintenant, je réponds d'elle !»